qu'on effectue est une jour à mon poka marisque. Il y a toujours des risques dans chaque voyage que nous effectuons sur terre. Ou balé bote bari safiri mutiane en leo. Pour ceux qui ont voyagé aujourd'hui. Sawa mimi ni kusema kama safari yetu iliwezekana ni neema ya Mungu. Si notre voyage a réussi, c'est par la grâce de Dieu. Kuko bengine banatokaka abafikake kwa destination. Notre petite mais qui n'arrive pas à leur destination. C'est pourquoi Dieu kwa vile Mungu alituwezesha masafari, jina la Bwana lipewe sifa. Nous a gardé en voyage, que son nom soit loué. Nina pitia santi kabisa batumishi ya Mungu. Je remercie vivement les serviteurs de Dieu. Nduku Ngoindai Pierre. Le frère Ngoindai Pierre. Na nduku Joseph mtumishi wa Mungu. Et le frère José, serviteur de Dieu. Kwa vile iripendeza aniruhusu nishimame kwa mimbali. M'a permis de me tenir sur cette chair. Na mimi niko mmoja wao. Je suis l'un d'eux. Tunatumika na wao pamoja. Nous travaillons ensemble. Bwana Mungu amibariki sana. Que le Seigneur vous bénisse. Batakatifu ya kwa Mpande. Les saints de Pande. Bari milamukia mwe bote. Vous en saluez. Mu jina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus Christ. Wanasema hata kama batufamie. Même si nous siku moja tutafamiana kama uwepo wa Mungu. Un jour nous allons nous rencontrer de l'autre côté. Mishi na mugeni pa imakutano. Je suis pas visiteur sur ce dans cette 2014 mili ubiri hapa. En 2014 j'avais prêché ici. Tena Mungu leo anaruhusu mimi nashimama kumbele yenu. Aujourd'hui Dieu a permis je me tiens encore devant. Jina la Bwana lipewe sifa. Que son nom soit loué. Bila kukawia. Sans plus tarder. Mina milomba batakatifu ya Mungu. Je vous prie les saints de Dieu. Tushimame na kusoma neno ya Mungu. De vous lever pour la lecture de la parole. Tuko na soma mukitabu ya Mtume Mathayo. Dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 16, verset 13. Matthieu, kuminasita, Musaya, kumi, natatu. Na tuko nasoma mujina la Yesu Kristo. Nous lisons au nom de Jésus Christ. Jésus étant arrivé dans le territoire de César et de Philippe. Wakati Yesu afika mujimbo wa César et la Philippe. Demanda à ses disciples qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme. Nakaulizwa mtume yake akasema watu wanasema koniko nani mimi mwana wa mtu. Il répondit les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Wakamjibu akasema bamoja anasema ku Yohana Mbatizaji. Les autres Élie. Unasema ku Elia. Les autres Jérémie. Unasema ku Yeremia. Ou l'un des prophètes. Wala mmoja wa nabii. Et vous leur dit-il que dites-vous que je suis? Nakauliza sasa mweye mnasema niko nani? Simon Pierre répondit tu es le Christ le fils du Dieu vivant. Simon Petro amjibu akasema wewe ni Kristo. Jésus reprend la parole. On lui dit, tu eres Simon, fils de Jonas. Kwaeri, Simon, ni mwana car Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Kwaani, aina mai, nadam, kufunuya ile. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Lakini, ni baba yangu, ule mwenye kwa mumbingu. Et moi je te dis que tu es Pierre. Na mie, mina kwambia sema, et que kupe. Sur cette pierre je bâtirai mon église. Na yulu ya imuamba, mita bati. Et que les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Mungu Baba Mwenyezi, Dieu notre Père, Mumba wa mbingu na dunia, Créateur des cieux et jina lako Yesu Kristo, ton nom est le Seigneur Jésus. Na mioyo yetu nasema asante. De tout cœur, nous te disons merci. Asante e Bwana kwa kutubalula katikati ya bantu bashima. Au Seigneur, de nous compter parmi les vivants. Ina kusema shie tuko bakulukulu tuko ba bien. Nous sommes corrects, nous sommes malins. Ni même tu unatufanishia. Mais c'est la grâce que tu nous as c'est pourquoi Père bien-aimé, nous sommes infiniment reconnaissants. Baba mpendwa tunashukuru sana. Heshima na utukufu tunakurudishia. L'honneur et la gloire nous retournons à toi. Tunakuya pake vi unatuona. Venons tel que vous nous voyez. Puisque risema veneza mwa vitu sike fatigue. Tu as dit mkwe kwangu mwa bwana. Et chargez moi je vous donnerai du repos. Na venye kulemewa mie timpatia pumziko. Tunakuya pake vi unatuona Seigneur. Tel que tu nous vois. Mais kupitia kwa neno yako à travers ta parole ututakase Bwana sanctifie-nous tazama baptoto yako Baba les enfants sont aba fuate muntu ils sont pas venus voir un homme bana kufuate ni wewe mais ils sont venus te voir kwa sababu wewe ndiye chemchemu ya buzima c'est toi notre source de vie Seigneur tu assistes assiste-nous na Roho Mtakatifu wako et que le Saint-Esprit atulie chini ya ikibanda que le Saint-Esprit puisse kuanzia kwa mtumishi wako na kubali bote batashika maneno yako magharibi ya leo. Tuza wagonjwa katikati yetu, bale beko na maprobleme, jibu yetu inatokea ni kwako. Merci Père bien-aimé, wanze na asi sawa alfa na umalize na sisi sawa omega. Tunakulomba yote mujina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Bwana Mungu abariki usomi ya neno yake. Le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Shina yangu iko mu verset 18. Notre sujet de prédication se trouve dans les versets 18. Et moi je t'ai dit que tu es Pierre. Nami na kwambia au Petro. Et que sur cette pierre. Na yulu ai mwamba. Sur cette pierre. Yulu ai mwamba. Je bâtirai mon église. Tajenga kanisa langu. Yulu yai mwamba. Sur cette pierre. Mitayenga kanisa. Je bâtirai mon église. Alléluia. Amen. Celui qui construit l'église. Ule kuna jenga kanisa. Kanisa aina mtu weko na itunga apana. C'est pas un homme qui bâtit. Amen. Amen. Mwenye kuyenga kanisa ni Yesu Kristo. C'est lui qui a bâti son église. Ye mwenye anasema. Lui-même l'a dit. Je bâtirai mon église. Tajenga kanisa yangu. Amen. Amen. Mitayenga kanisa. Je bâtirai mon église. Puisque les obantu mubichwa. Aujourd'hui les gens. Mais bon, wanze sema kanisa ni yangu. Parce que l'église appartient à un ça homme. Ça c'est mon église. Il kanisa yangu. J'ai beaucoup souffert. À cause de cette église. Tu as kanisa. Hakuna mtu aliteseyo kanisa. Ule aliteseyo kanisa ni Bwana Yesu Kristo. C'est le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Mishi seme Mungu aikalake na batumishi yake. Moi je n'ai pas dit que Dieu n'a pas ses serviteurs. Non. Dieu a ses serviteurs. Na batumishi yake. Mungu ku mambo ya wokovu. Celui qui sauve c'est le Seigneur Jésus Christ. Mais ari associé na bantu. Et en tumika na ba, il a travaillé avec les gens. Anema patia mazawadi mbalimba. Il a donné des différents dons. Alléluia. Amen. Mais kanisa, aina kanisa ya muntu. Ce n'est pas l'église des hommes. C'est pourquoi dans Timothée chapitre 3, premier Timothée, disons d'abord la Bible. Tout somme kwanza Biblia. Chapitre 3 verset 14. Timothée kwanza sura 3:14. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Na matumaini ya kuya kwako, njo kwa maana na kuandikia hii bitu. Mais afin que tu saches, si je tarde comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Njo ujue kusema kama mimi nakauya uyue namna kujongoza mnyumba wa Mungu. Qui est l'église du Dieu vivant. Yenye kuya kanisa Mungu yenye kuwa. La colonne est l'appui de la vérité. Uzo na tegemewa ukweli. Ni Paulo anamwandikia Timothée. C'est Paul qui écrivait à Timothée. Collaborateur wake. Avec son associé. Anasema mimi nakuandikia maneno haya. J'ai écrit ces paroles. Ujue kama mimi nakawa. Si j'ai tardé que tu saches. Alléluia. Ujue kama mimi nakawa. Si j'ai tardé. Namuna kani unaweza kujiongoza mukanisa ya Mungu. Tu peux te conduire dans l'église du Dieu vivant. Tu ne peux pas se comporter n'importe quoi. Dans l'église de Dieu. Ce n'est pas l'église des hommes. C'est l'église du Dieu vivant. La colonne est l'appui de la vérité. Manayake. Cela veut dire. Ninguzo. La colonne, la tegemeo ya bia kweli. De la vérité. L'église. Kanisa. Kanisa ni mali ya Mungu. L'église est un bien privé aina de Dieu. Mali ya muntu c'est la propriété privée de Dieu, pas pour un homme. Kanisa aina ya archbishop. N'est pas pour le bishop. Kanisa aina ya révérend. N'appartient pas au révérend. Kanisa aina ya surintendant. N'appartient pas au surintendant. Kanisa aina ya pasteur. N'appartient non plus au pasteur. Kanisa ni ya Yesu Kristo. Appartient à Jésus Christ. Amen. Amen. Nous devons savoir comment marcher, comment se comporter dans l'église de Dieu. Tu ne peux pas en tout cas se comporter n'importe quoi. Puisque il nyumba. Ata hii kanisa ina ya muntu. Aina mali ya muntu. Ce n'est pas un bien privé de nom. Kanisa ni mali ya Yesu Kristo. C'est un bien privé de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu. Tu es tout bateau de Mungu. Amen. Amen. Ata uko mubiri hata uko nani. Si tu es prédicateur, mukanisa ya Mungu. Dans l'église de Dieu. Mali ya benye ya Mungu. La propriété privée. Tu ne peux pas prêcher n'importe quoi. Mubiri vilo la pena. Hii fwashi. Hapa c'est un. Ni akubiri paka neno ya Mungu. Prêcher uniquement la parole de Dieu. Hapa kuhubiri mambo ya Mungu. Ne prêchez pas les soirs. Hapa aina fwashi ya kupangisha bantu. Ce n'est pas un endroit où ni fwashi. Tuko na nyanyula mtu moja. On élève alikufa kwa msalaba. Ni Bwana Yesu Kristo. Amen. Ni mali yake. C'est son bien privé. Amen. Yesu anauliza Pierre. Dieu a bien posé la question à Pierre. C'était tous les disciples. Et c'était parmi tous 4 anauliza sema peko nasema hapo nini juu yangu. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Bantu banasema kapo nini. Les gens parlent de quoi? C'est bengine banasema huko Elia. Les autres disent que tu es Elie. Bengine banasema sema huko Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Bengine sema Jérémie. Les autres tu es qui? Bengine sema mmoja wa manabii. Pour les autres ils disent que tu es l'un des prophètes. Anasema ni bobe ko nasema vile. Là ce sont des les gens. Sasa mweye. Mena kata. Unasema ko yulu ya mutoto wa Mungu sur le fils de l'homme Pierre sous l'inspiration et sous la révélation de Jésus-Christ sous la révélation de Dieu anasema weye uko Christ mwana wa Mungu aliye hai du Dieu vivant. Amen. Amen. Yesu anasema Jésus a répliqué si mon fils de Jonas mwana wa Jonas. Tu es un homme heureux. Tu es un homme qui t'a révélé. Tu es un homme qui t'a révélé. Tu es un homme qui t'a révélé. Qui t'a révélé. Ni baba ye, ni baba yangu wa kumbingu. Mon Père Céleste. Tu as révélé. Tu as révélé. Amen. Amen. Mungu ambamufundake kumasomo. Dieu, on l'étudie pas à l'école. Mungu ashita kutumikishaka juu ulifundaka kwa États-Unis d'Amérique. Parce que tu as fait tes études aux États-Unis. Mungu ashita kutumikishaka juu wewe ulifundaka kama ni université ya wapi. Je ne sais pas quelle université que tu as fait. Mungu ashifanya kevi. Dieu ne fait pas des pareilles choses. Mungu eko na jifunua kwa watoto yake. Parmi ses enfants. Amen. Amen. C'est pourquoi si nous, tunamini ujumbe. Nous croyons ces messages. Nous n'achetons pas makanisa ingine. Nous sommes très différents. Puisque vous avez connu masomo, il est bien qu'on affunde. À laquelle il parle. Si y a tout dans masomo, tout affunde. Nous n'avons pas d'école. Chez tout qu'on a université, il y a yulu. Nous avons notre université céleste. Il y a kutoke ya kwa Mungu. Qui vient de Dieu. C'est la révélation de Jésus Christ. Christu. Amen. Amen. Kama Mungu anajifunua kwako. Lorsque Dieu se révèle à vous. Uko mtu wa heri. Tu es un homme heureux. Aina kupata fedha. Ce n'est pas gagner beaucoup d'argent. Aina kuya na magari na maavion. Des véhicules et des avions. Frère. Kitu kia mafa. La chose la plus importante. Ata una na kitu. Même si tu n'as rien ata du tout. Ata una na gari. Même si tu n'as pas le véhicule. Ata una na nini. Même si tu n'as si vous avez la révélation de la parole. Kama kuna ufunuo wa Yesu. Tu es nommé heureux. Wewe uko mtu wa heri kabisa. Yesu ashikusema ke Simon. Jésus n'a pas dit Simon. Mwana wa Yona. Fils de Jonas. Uko mtu wa heri. Un homme heureux. Juri funda kama soko. Parce que tu as fait les études telles. Non, il a dit tu es un homme heureux, parce que ce n'est pas voilà, le temps pour l'homme qui t'a appris ces ni choses, mais kumbengu. C'est mon Père Céleste qui te l'a révélé. Amen. Amen. C'est pourquoi nous, l'Église de Dieu, comment est-ce qu'on est à Mungu nous sommes un peuple heureux. Même si dans le monde, on ne nous considère pas, même la plus grande grâce que nous avons ici, c'est de reconnaître le message de l'air. C'est ça la grâce que nous avons reçue. Ma chère Turipata. Même si je n'ai pas les biens matériels, même si je ne m'habille pas correctement, même si je n'ai pas à manger, même si je me nourrissais deux fois par semaine, mais si j'ai la parole, je suis un homme riche de plus que de tous les morts. Amen. Amen. Tu es Simon fils de Jonas. Léo chita sema paka ya Simona. Aujourd'hui, je ne parle pas de juu yako. Uko mtu wa heri sana. Kwa Mungu vile alijifunua kwako. Dieu s'est révélé à vous. Oui frère. Dieu nduku. Hata hatuna na biote. Même si nous manquons rien, de rien du tout. Mais tuko na biote. Mais nous avons ya Yesu Kristo. En Jésus-Christ. Mungu amibariki sana. Que Dieu bénisse. Le mot église. Musemo kanisa. Je bâtirai mon église. Tajenga kanisa langu. L'église est un peuple en tout cas séparé. Kanisa ni taifa batu. Un peuple appelé à sortir. Batu bale Mungu alita kutoka. Bantu benye kuitwa na kutoka. Les gens que Dieu a appelé à sortir. Amen. Amen. Kutoka mu bintu byote. Kutoka mu bisela byote. Kutoka mu kikabila. Kutoka mu byote bya kwachana cha. Vous êtes un peuple séparé. Uko muntu mwenye kutengwa. Amen. Amen. Et je vous dis la vérité. Nani kunaambia ukweli. Na bu Kristo. Et la chrétienté. En tout cas, ni majukumu mkubwa sana. C'est vraiment une grande responsabilité. Oui, c'est une responsabilité. Ni majukumu ni madaraka. Oui. Aina mambo ya kusema mukristo. Un chrétien, c'est chrétien, c'est un homme qui doit vivre comme les chrétiens d'autrefois. Kukanisa ya kumwanzo. À l'église primitive. Aina wewe mwenyewe kuritapa. Ce n'est pas toi-même que tu vas commencer à te vanter. Ni maisha yako itaonesha bantu mukambo. Asema kama kuko bantu penye kokolewa ni fulani. C'est tel et tel. Tu dois expérimenter ça. Na wewe unapaswa kuonja ile. Amen. Amen. Sasa ndio vujio sela verite. Ibi tu naambia ni vitu ya kweli. Ekute seke di frère Branham. Sikia vile ndugu Branham anasema. Mumahubiri inaitwa. Dans sa prédication. L'eau toujours présente du rocher. Mai yenye kwa pa kumwamba. Anasema hivi. Il dit ceci. Paragraphe 57. Nukta yake ya 57 na saba. Nous savons qu'Israël a toujours été un exemple historique de l'Église. Tu n'as jamais vu Israël arriver pas comme mufano ya kanisa. Israël ni mufano ya kanisa. C'était l'exemple de l'Église. Parce qu'Israël était le peuple de Dieu. Israël est quoi taifa amung. Jusqu'au moment où ils ont sorti de l'Égypte. Kufika na mwakati baltoka mmistri. Et alors ils devinrent l'Église de Dieu. Na pale wakakuwa kanisa ya Mungu. Parce qu'ils s'étaient séparés du reste du monde. Balijitenga na mabaki ya dunia. Israël. Tant qu'il était encore en Égypte, il n'était pas encore l'église de Dieu. C'était seulement le peuple de Dieu. Na Israël, ni mufano ya kanisa. C'est le type de l'église. Oui, nami. Et vous aussi. Tant que et moi, tant que nous ne sommes pas encore séparés. Nous ne sommes plus l'église de Dieu. Nous sommes les hommes de Dieu. Mais wakati tunatoka mudunia. Nous quittons le monde. Tunachana na dunia. Nous séparons la mondanité. Tunaitwa kanisa ya Mungu. Nous sommes appelés l'église du Dieu vivant. Amen. Amen. Ina tulomba tutoke mudunia hii. Il nous est demandé de quitter dans le monde. Ce n'est pas déménager d'une endroit à une autre. Nous sommes dans ce monde, mais dans le champ du monde, nous et nous, le monde est mort. Est-ce que tu es pamoja? On est ensemble. Tu n'as pas cha kutoka mudunia. Nous devons quitter dans le monde. Kama tu ya toka. Si tant que nous n'avons pas quitté le monde. Même si nous fréquentons les tabernacles. Moi je vous dis la vérité. Ne croyez pas que les tabernacles sont. Non frère. Le sauveur de toute l'humanité. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu peux être au tabernacle, mais tu es menteur au tabernacle. Des années dans le tabernacle. Na miaka maskani ya tabernacle. Alléluia. Il y a des gens dans ces maka. C'est nous là. Mina kuambia mwanzo haina na mambo. Le début n'a pas de problème. Mambo ni kumaliza hii safari. Le problème c'est achevé ce voyage. Utaimaliza je? Est-ce que tu vas terminer la course? Bamingi barianza hii safari. Bengine basha kurudia mudunia. Boku iso nja rentrer dans le monde. Mambo haina kuanza. Mambo kifukuzio yetu. L'objectif ni kufikisha safari yetu kumwisho. C'est arriver jusqu'à la fin de notre voyage. Mungu atusaidie. Que Dieu nous aide. Kukawa mukanisa ina mambo. Même que longtemps dans l'église, ce n'est pas un problème. Il y a des gens qui disent, c'est nous les anciens. Toi est nouveau, qu'est-ce que tu as à me dire? Même si tu es un ancien, même si ta vie, elle est toujours ancienne. Tu n'as rien fait. C'est zéro. Ni quoi, si four ou tout. Et le nouveau. Et celui qui a prié. Anatubu vya kweli. Anevuma inafuanika. Anaenda kumbini. Il ira au ciel. Wewe wa zamani mkanisa unabaki. Tu vas rester. Mambo haina zamani. Le problème ce n'est pas faire mambo ni kuishi kile neno ya Mungu inasema. C'est vivre ce que la parole de Dieu nous demande. Est-ce que tu go pamoja? On est ensemble. C'est que nous voulons la vie. Ina mbele ukweli. Kama atuya toka. Si nous n'avons pas quoi quitter. Mana yake atuya kuya kanisa. Cela veut dire nous ne sommes pas l'église du Dieu vivant. Ushike vile kunasema. Écoutez maintenant ce qu'il dit. Paragraphe 58. Et quand nous nous sommes séparés du reste du monde, alors nous sommes devenus l'église. Mais aussi longtemps que nous nous sommes mêlés avec le reste du monde, alors nous ne sommes pas dans l'église. Wakati tungari turisha kulichanga na bintu bya dunia. Donc nous sommes encore mêlés avec le monde. Leo ba Kristo beko na tamani na ba dunia. Les chrétiens sont en train de dire disant que si j'étais même Oleke ba mudunia. Oleke les gens du monde maisha yetu. Mais nous le, au contraire nous les envions. Ni ole sana. C'est vraiment malheureux. Amen. Amen. Ce sont les gens du monde qui doivent nous envier dans ce que nous sommes, ce que nous faisons. Bah, on est vraiment qu'ils puissent voir que Dieu les a déjà aidés. À part de quoi il y a une histoire. Pour pas avoir de le Dieu que nous croyons, c'est un Dieu de miracles. Le même hier, aujourd'hui éternellement. Il a guéri les anciens. Aujourd'hui, il a changé les prostituées. Et aujourd'hui encore, il va diriger, il transforme. Ôtez dans vos têtes l'histoire là de faire longtemps dans l'église. Je vais vous donner un exemple. Vous connaissez bien la rivière de Kapolo. Vous connaissez bien la rivière de Kapolo. En dessous des eaux, il y a des pierres. Mais il faut entrer depuis dans l'eau. Depuis la création du monde. Depuis que Dieu a créé le monde. Ah, depuis que la création de Dieu. Il a pris de rochers, le de pierres, de l'eau. Mais quand vous prenez la pierre, vous regardez. Elle est sale. Quand vous cassez à l'intérieur, c'est sec. Malgré des années dans l'eau, l'humidité a ingi. L'humidité n'a pas pénétré à l'intérieur de la pierre. Et il y a beaucoup de chrétiens dans l'église. Mais leur vie, elle est toujours ancienne. Oui, si que vous cattez, c'est que je vous dis, c'est la parole. Vous allez dans l'eau, vous prenez la pierre, vous cassez, ça va vous aider. Il y a d'autres personnes tabernacle miaka na miaka. Au tabernacle après ne purifier là. Il est fier. Change tout ma tabernacle. Oh, faut pas de... Tout on a voilà la mousouri. C'est le tabernacle que nous avions bien. On a chukanyué le mousouri. Nous mambo ina ku voilà tout. Le problème ce n'est pas la coupe. Le problème c'est à l'intérieur. Amen. Nous sommes devant devant un homme qui connaît toutes choses. Jésus a dit connaissait Simon. Même ce soir, même son père. Il connaît bien ce que toi tu fais. Quitter dans le monde. Te séparer avec la mondanité. Dans la vie chrétienne, il y a deux choses. Est-ce que tu pas on est ensemble. Il y a autrefois. Et maintenant. Na apasas. Zamani. Paul avait dit. Et chacun de nous. Kila moja wetu, ce soir. Atasema ça à Paul. Vous savez. Ma conduite. Autrefois. Zamani. Mwenendo yangu ya zamani. Autrefois. Mubu Kristo muko bintu mbili. Zamani na sasa. Il y a autrefois. Manake mu maisha yako na yangu. Dans ta vie et dans ma vie. Il doit y avoir ces deux choses. Zamani na sasa. Et maintenant. Amen. Amen. Zamani. Autrefois. Tunapasha kuyua. Nous devons connaître notre passé. Bantu yangu na badada yangu. Mes frères, mes sœurs. Mukambov. Ici au Kambo. Kama kuko bantu beko na bushito. Ah, il y a les gens qui ont des responsabilités à Kambo. Pour la parole de Dieu. Aina makanisa yote. Ce n'est pas toutes les églises. Bale beko na majukumu. Ceux qui ont des responsabilités. Yulu ya neno ya Mungu. Ni mwaye muku hapa. C'est vous qui êtes ici. Allez concerner de la parole. Je ne suis pas en train de vous donner. Je vous dis que si il y a des gens qui connaissent la vérité, et si la vérité c'est nous ici. C'est que nous vous disons c'est la vérité. C'est pourquoi maisha yetu. Comment notre vie doit être conforme à la parole de Dieu. L'église, ce sont des hommes séparés en dehors d'eux. Et quand ils regardent d'où ils viennent et ceux qui sont devenus. L'église, c'est un peuple à part. Ni taifa, ya inekwenda pembeni. Tout sommes les premiers pieds chapitre 2. Lisons Pétro à Kwanza, sura 4. Verset 9. Moussakatis. Premier Pierre. Pétro à Kwanza. Mais tout en somme, verset 9, tout en j'ai quelque part. On va commencer un peu au-dessus. Donc j'ai attendu verset 6. Nous sommes qu'on a 7 en Dieu de Kumbele. Je vais lire 6, 7 et puis... Car il est dit dans l'Écriture. Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. Amen. En elle, cela veut dire en Jésus-Christ. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Nikusema heshima ni kwenu mwa mnaamini. Heshima ni yenu mwa mnaamini. Atamu kambovu ba honorable be kwamo. Savoir qu'il y a des honorables. Nous ne refusons pas. Il y a des honorables. Le gouvernement il ne reconnaît comme baba on ça ba honorable. Le gouvernement reconnaît. Mais chiye. Aina gouvernement inatuyua comme déshonorable apana. Apa chiye ni mbingu inatuyua sema tuko ba honorable. Comme étant honorable, beshimiwa. Amen. Frère, ou quoi honorable? Ou quoi heshimiwa, mon frère? Tu dois marcher comme un honorable. Pour ne pas aller ouvrir ta bouche, même avec les prostituées, tu ouvres tes dents. Donc. Tu n'es pas honorable, cela veut dire. Mais ville ou quoi honorable, mon frère? Tu es honorable de Dieu. Nous devons honorer la parole de Dieu. Ma sœur, mon frère. Il y a une chose qui nous honore. C'est la parole de Dieu. Injia ya neno ataba na kuita sema honorable si honorable wa biakwe ni ecriture tunasoma l'honneur est pour vous qui croyez heshima ni kwenu mweye mnaamini tunaamini Mungu anatuheshimisha et c'est Dieu qui nous honore tutembee saba toto ya Mungu marcher comme les enfants de Dieu. Amen. Kuya mutoto wa Mungu. Être enfant de Dieu, sana. C'est vraiment l'honneur. Weye mutoto wa muntu. Toi, mais neno ya Mungu inasema leo. Pale unaamini. Au moment où tu as tu étais engendré. Unakuya mutoto yangu. Tu es devenu mon fils. C'est l'honneur. Amen. Ah. Mutoto wa président wetu Chilombo. L'enfant de notre président Félix Chilombo. Nous ne sommes pas contre les autorités. Nous donnons juste l'exemple. L'enfant de Félix. Lorsqu'il marche, il piétine ses mains. Il se présente que je suis l'enfant mais du président. Avec un mandat. Lakini na mandat. Mais si. Nous, royaume yetu, notre royaume aina ya mandat, si pas c'est mandat, éternel. Lakini ni amilele, aina pale tuko na tembea, tunapasha kuya na fier. Kusema tuko batoto ya mufalme. Nous sommes les enfants du roi. Sasa weye, maintenant toi, njo unafanya tu as fait yako, à ce que ton honneur a diminué et tu as réduit même l'honneur de notre roi à cause de ta vie. En tout cas, que le Seigneur nous fasse grâce. Mungu atufanye konema. Mungu atusaidie, frère. Que Dieu nous aide. Ni heshima, frère. C'est vraiment l'honneur. Weye mutoto wa muntu. Toi, un mais fils Mungu de l'homme. Anasema, unakuja mais Dieu mutoto t'est yao. Dit, tu es devenu mon Mina fils. Kusala. Je t'ai engendré ya Mungu. À travers sa parole. Tunapasha kumheshimia sana Mungu. Nous devons vraiment l'honorer. Amen. Nous devons savoir cela. Nous sommes enfants de Dieu. Qui est tout à coup ya, c'est que nous serons, mais nous sommes aujourd'hui, nous sommes les enfants de Dieu. Soyons sérieux dans les choses de Dieu. La parole de Dieu ne sortira jamais. Il y a des akans au milieu de nous. Tu n'as pas chaque tengana na bintu biotia. Et nous devons nous séparer avec toute chose. Alléluia. Amen. Oui. Dieu. Et quand nous nous sommes séparés du reste du monde, alors nous sommes devenus l'Église. Ça, c'est un peu kanisa. Kama tunatengana na biote bia dunia. Nous nous séparons avec barafiki babaya. Les mauvais compagnies. Kusema kubaya. Mauvais langage. Mana yake pale njo tunakuya kanisa ya Mungu. C'est à ce moment-là que nous devenons l'Église du Dieu vivant. Amen. Amen. A tupende kuya bantu ba archevêque. Nous voulons pas être des archevêques. Ou les bishops, non. Sawa muma kanisa. Comme paka vile tu wana mionesha frère. Que nous le disons. Muma église beko na ba chef ma hiérarchie mu kanisa. Des chefs religieux. Uyu ni fulani. Il est tel. Archbishop wa kukikwa kwa États-Unis. Des États-Unis. Uyu ndiye chef. Ici c'est lui le cardinal. Mais chef on a mini muyi uchi. La hiérarchie comme ça mais dans le message. Mungu asifiwe sana. Dieu ya nema ritufanishi. Pour la grâce. Les serviteurs, un pasteur local dans l'église, Bukanisa yake, après les Saint-Esprit, au-dessus du pasteur, il n'y a personne. Oui, Kanisa ya Kambo. Dans cette église de Kambo, amuna muntu mwenye kupita berger. Il y a personne qui au-dessus du berger. Pita berger. C'est lui qui dépasse ni le berger. Ni c'est le Saint-Esprit. Amen. Na berger wa Kanisa. Et le berger de l'assemblée Eko locale. Kanisa, il conduit l'assemblée locale. Vile Rome takatifu ona mungu. La conduite du Saint-Esprit. Amen. Kama nasema évêque. Lorsqu'on dit évêque. Évêque c'est quoi? Évêque nini? Pasteur Wapahali. Le pasteur local. On peut lui appeler surveillant. Galici, évêque. Batamuita, etc. On peut lui appeler Yaifatal. Dans plusieurs manières, on peut lui appeler. Pasteur Pakanisa Pahali. Et après lui, le pasteur local. Au-dessus. Pasteur. Il n'y a pas un chef qui passe le pasteur qui va lui dicter. Ou imposer. C'est lui qui va lui donner la conduite. Non. C'est pour cela nous sommes vraiment différents des dénominations. L'église de Kambo, lorsqu'ils ont un problème à Kambo, dans l'église, ils ne peuvent pas appeler le chef ou dans le vide, disant que vient de l'église, c'est toi notre chef. Ah non. Le chef de l'église, c'est Jésus-Christ. Nous allons nous mettre ensemble. Nous allons prier. Nous allons envoyer notre problème à la direction générale. Dans les cieux. Mbingu. Notre direction, ce n'est pas Lubumbashi. Officier, toi, ce n'est pas Kinshasa. Kinshasa. Ce n'est pas les États-Unis. Notre direction générale. C'est en tout cas au ciel. Mbingu. Il n'y a personne qui viendra de situer les diacres ici. C'est ça la démocratie dans l'église. Jo urum kanisa. Amen. Akuna muntu atakuya de situer pasteur. Il n'y a personne qui viendra de situer les pasteurs local. Jamais, il n'y a personne. Amen. Ah. Mais la kid. Kanisa. L'église. Ikona uwezo. A le pouvoir. Yakuingisha. Des produits et des retirés. Est-ce que tu ne pas moi? On est ensemble. C'est l'église. Kanisa. Akuna chef. Il n'y a pas de chef. C'est pourquoi il met ça. C'est message. Tu n'as piqué à Mungu sans descendre. Nous remercions vivement Dieu. Nous avons envoyé ces messages. Le peuple de Dieu ne restera plus jamais dans la confusion. Que Dieu soit loué pour ça. Nous ne sommes pas les esclaves des hommes. Nous sommes les esclaves de Dieu. Amen. C'est pourquoi je vous avais dit. L'église appartient à Dieu. Mais Dieu a associé les hommes. Les hommes avec qui il travaille. Tous sommes embellés dans la Bible. Mon Biblia. Non, c'est vrai. Mais Dieu travaille avec les hommes. Na tuko ne shimi ya bale bantu, Mungu aliyetabli. Nous devons la révérence à les hommes que Dieu a établi. C'est les hommes de Dieu. Ça va vous battre. Mungu alibatumikisha. Dieu les na leo kona batumikisha. Et aujourd'hui continue à les utiliser. Amen. Kama leo tunakuwa kuhubiri mukambo. Si aujourd'hui nous venons prêcher à Kambo. Mungu yuko na batumishi yake. Na Mungu asitumikisha. Il est en train de banatumika kazi ya Mungu inaonekana. Les vrais serviteurs. Le batumishi ya Mungu. Oui, c'était ya Kambo. Ici, dans la cité de Kambo. Ma bouche yote haina autorisé. Ce ne sont pas toutes ces bouches qui sont autorisées. C'est quand vous dites la vérité. Tu as bien nous quoi? Kuko bengine ni bo benye bari rifuani. Il y a d'autres, ils se sont appelés eux-mêmes. Même oui, kizazi. Mais dans cet âge, Mungu alisema. Dieu a dit. Na mazawadi yiku wako. Et le don. Alileta bantu mukanisa. Il a établi les hommes dans l'église. Na mazawadi ya kuacha. Avec de plusieurs dons. Juu ya kusaidia taifa yake. Pour aider son peuple. Mais je t'aubiri sawa ndugu Joseph. Je ne prêcherai jamais comme frère José. Je ne prêcherai jamais comme un autre prédicateur. Chacun de nous a un don que Dieu lui a donné. Il n'y a pas de don. Nous tous, nous sommes en train de nous compléter. Et ce sont des capacités qui se diffèrent. Moi, je n'ai pas le pouvoir de prêcher comme frère José. Je n'ai pas le pouvoir de prêcher comme frère pasteur Ngoïnda Ipié. Le peu je vais utiliser ces dons-là. Et Dieu me récompensera sur base de ça. Si je connais ma part, comment je vais aller combattre mon frère. Amen. Est-ce que tu on est ensemble. Amen. Comment est-ce que je vais aller combattre mon frère? C'est charnel. Quand vous voyez, quand Dieu bénit un frère, il y aura dans l'église les autres frères qui ne sont pas connus de nouveau. Ils vont dire, c'est la sorcellerie. La sorcellerie ne peut c'est jamais lui qui bénir. Bénit, c'est l'Éternel. Vous voulez barrer qui nous a millé. Puisque la Bible dit que si vous voulez être béni, vous serez béni par le Dieu de la vérité. Vous ne pas comme Mungu au kweli. Le don que Dieu frère, a passé dans l'église, le frère a un peu de moyens. Je suis un enfant de Dieu véritable. Je dirais que Dieu soit loué pour le don que tu as placé dans l'église. Le frère, il a un peu de moyens. Et il va nous soutenir aussi. Seigneur, vous dites la vérité. Il te remercie bien quoi. Et un enfant de Dieu authentique, lorsque Dieu lui donne un peu quelque chose, tu dois poser la question. Tu m'as donné ce bien ici pour toi. Et Dieu te dira comment utiliser ce bien. Pourcentage ya Mungu. Il y a la part de Dieu. Pourcentage il y a la part de ses enfants aussi. Acceptez, amen. Même si vous le refusez, ça c'est la parole de Dieu. Frère Branham dit, réfléchissons à nos voix. Dans la prédication, tout ce qu'il m'a dit, il dit, lorsque vous êtes béni de Dieu, tu dois te souvenir. Tu peux avoir le bien matériel, mais ce que Dieu t'a donné, c'est pour son œuvre. Si tu ne travailles pas dans ces sens, il n'y a pas la part de Dieu, il n'y a pas la part des enfants de Dieu. Sache que ce que tu fais là, Dieu doit t'aider. Amen. Si nous vous disons la vérité, tu as bien nous quoi. C'est pourquoi, frère, il y a d'autres choses que Dieu doit nous aider. Nous devons nous séparer avec toutes choses pour que nous soyons l'église séparée de toutes choses qui n'est pas la parole de Dieu. La Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 6, Anasema, sortez du milieu d'eux, verset 14, et séparez-vous. Tout toque moumadebou, quittez dans les deux nations, quittez dans nos coutumes, quittez dans nos vices là. Même aujourd'hui, il y a des gens qui sont encore Mukikabila. Kikabila. Dans les tribalistes. Je vous dis la vérité. Akuna Kabila Muzuri Padunia. Anya Jamaï. Ataba Américain avant la Kabila Muzuri. Dans ce monde. Même les Américains ne sont pas corrects, même les Sanga. Ataba Luba avant la Kabila Muzuri. Ataba Kasai. Les mêmes les Akuna Kabila est spécial. Il y a pas de Kabila est spécial. Ni Kabila ya batoto ya Mungu. Benye kuzali kwa mara ya pili. Sore il mané de nouveau. Amen. Jo Kabila Muzuri frère. Ça le tibi qui est vraiment très spécial. Bantu benye kuzali kwa mara ya. Les enfants, les gens qui sont nés de nouveau. Frère, chiye njo fulani. Frère, c'est nous les terres. Ata Kabila ya wapi ata ya wapi frère. Peu n'importe quelle tribu. Kabila Muzuri. Le meilleur tribu. Bantu banazali kwa muroyo. C'est ceux qui sont nés de nouveau. Mungu amibariki. Nikumbuke kombele mambo ya zamani. Je me rappeler quelque chose. Wale tuliamini yaka. Quand nous avons Mumane 80. Dans les années 80. Upanda, frère. Tunafika mu 1992. Arrivé en 1992. Tulikuwa na mambo ya katange katange. On avait cette histoire des katange, des refoulements. Njo wakati ilionekanaka na bantu balitoka bya kweli. C'est à ce moment-là que les gens nous ont montré leur propre couleur. C'est quand nous disons la vérité. Nous quoi. Frère, mukanisa ule balikuwa na kuriana. Dans l'église, un frère avec qui vous étiez en train de communier. Ces jours-là, il se tient. Il dit, toi, tu vas quitter la maison. Et aujourd'hui, c'est ma maison. Mais pour les croyants, il me s'est dit dans la fin. Frère, ma frère, le frère avec qui nous avons vécu, jusqu'à ce qu'ils ont vécu, nous étions avec eux en paix. Nous étions en train de craindre de Dieu. C'est que nous vous disons la vérité. Tu te mets à nous quoi? Chez Turiona, frère. Nous, nous avons vu. Chez nous, nous avons vu. Ma frère, tu n'as chima maïdi. Tu n'as sema. Mambo, il est chez à tout et chica. Ça ne nous concerne pas. C'était les païens, mais quoi, on a pillé bintou à ma frère. Les pagans, nous avons pillé bintou de nos frères. Mutoto wa mungu abia kweli. Un enfant de Dieu véritable, séparé du monde, il a compassion. Nous avons eu compassion de nos frères. Nous les avons gardés. On avait mal au cœur. Ce sont nos frères, nos bons frères. Ils ont été sauvés par le sang de Jésus-Christ. Et quoi, nos frères. Mais le reste des églises. Mungu asifiwe sana frère. C'est méchant. Il a la puissance bien quoi. Ah, la puissance, sincèrement. Il est maman minasema. C'est que moi j'ai dit. Michi seme bongo. Je ne dis pas. Je suis devant Dieu. Nous bel amour. Nous avons fait ça. Tuna shimamia banduku yetu. Nous avons pris position de nos frères. Même aujourd'hui. Ataleo. Unashikia mnapanda kugari. Vous êtes dans le véhicule. Vous allez gentil. Luba weye. Ah toi Luba. Kachoko weye. Weru kachu. Musanga weye. Sanga. Kasai weye. Kasai. Lubakati, Lubakasai. Et la personne qui est en train de trahir, il a été racheté par le sang de Jésus-Christ. Tu n'as pas compris les choses de Dieu. Tu es encore dans le couti. Les Lubakai n'iront pas. Les Sanga n'iront pas au ciel. Le ciel appartient aux enfants de Dieu. Et tu as bien oukweni. Vous créez ma haine. Ne cherche pas à créer ma chouki. Oh frère, oh, Fulani, il est de telle tribu. Si il y a encore les gens qui ont ces sentiments, c'est la vérité. Dieu n'a pas sauvé uniquement les Américains, non. Dieu a sauvé tout le monde. Tous sommes Apocalypse chapitre 5. Ufunuo tano. Oh frère Kasai we, Fulani we. Oh Luba Kasai. Muluba we. Oh Luba Kati. Oh Fulani. Hôtel. Ok. Verset 9. Il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres. Wakaanza kuimba mumba mpya na kusema unastahili kuchukua kitabu. Et d'en ouvrir les leçons. Na kufungula miuni. Car tu as été immolé. Kwani ulichukua. Et tu as racheté pour Dieu. Na ulikombola jua mungu. Par ton sang. Ya damu yako. Des hommes de toutes tribus. Watu wa makabila yote. De toutes langues. Kwa maruga yote. De toutes peuples. Na mataifa yote. Et de toutes nations. Na wa mataifa yomainchi. Alléluia. Kama huko mtu wa kiroho unaweza kusema amina ya vyakula. Amen. Asema unaokola makabila yote. Sauvé toutes les tribus. Sasa kabila spéciale a pas les droits. Quelle est la tribu la plus spéciale? Kabila ya vyakweli. La mère tribu. Mtoto wa Mungu mwenye kuzaliwa kwa mara ya pili. C'est un enfant né de Dieu. Aliokola makabila yote. Lui il a sauvé toutes les tribus. De maloga yote. De toutes nations. Ya Et même le Conde, même la langue que vous voyez vraiment la plus bas. Amen. Moi, tu es ma conception, mon père. Arrêtez vos conceptions là d'insulter les enfants de Dieu. Les hommes créés à l'image de Dieu. C'est que nous vous la vérité. Il y a des gens qui sont en train de mépriser les tribus, même les dialectes des gens. Oh, c'est quel dialecte ça? Même si toi tu parles anglais. Au ciel, on ne parle pas l'anglais. Amen. Ah. Tout ce que tu vas parler, c'est rien. N'importe quelle langue que tu vas parler, c'est la langue il est correcte tout à sema, que nous allons nous parler. Nous allons parler sous la parole de Dieu. Amen. Amen. Dieu langage spirituel. Amen. Mungu amibariki que Dieu bénisse. Atuyatoka. Nous n'avons pas quitté. Wakati yote, nous sommes encore dans le coutume. Nous n'avons pas encore quitté. Que Dieu nous aide. À méprisant les gens. Quelqu'un qui vient chez toi, tu lui regardes. Il vient toquer à la barrière. Tu quittes, tu le vois comme ça. Son état, son accoutrement. Ils sont qui là? C'est quoi? Nini? Tu négliges cet homme. L'homme créé à l'image de Dieu. Moutou le mungu arumba kopicha yake. Dieu a ouya saidiwa. Parce que tu n'as on t'a. C'est que nous voulons dire la vérité. Tu es venu pour. Si monte à tout à coup y'a comme même pied d'égalité. Nous ne serons jamais au même pied d'égalité. Pourquoi ben ingine va t'attendre à calo mukulu na vile Yesu atakuyaka. Nous serons piétons jusqu'à ce que Jésus reviendra. Mais respectez cet homme. C'est l'homme créé à l'image de Dieu. Attends, t'aimes bien le Mukuru. N'est-ce qu'un bête d'amour? La créature de Dieu. Non, de lui, et il doit, vous lui devez de l'honneur, du respect. Il est membre tout qu'on a semé, il qu'on en est quand. Ce que nous disons, nous le voyons parmi les gens. Vous regardez avec mépris, avec dédain. Moi, je vous dis la vérité. Bien bien quoi. Ce que tu as aujourd'hui, ce n'est pas par tes efforts. C'était la grâce de Dieu. Autrefois, il peut aider quelqu'un d'autre. Mais que Dieu nous aide. Mépriser les gens. C'est un défaut. C'est un défaut que Dieu nous aide. C'est un défaut, ce n'est pas correct. Lisons d'abord. Je crois. Ça y na chofa, tu sommes comme belle Jacques. Lisons Jacobo. Chapitre 2. Jacobo sura pili. Mes frères, que votre foi à notre Seigneur, à notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte à toute acception des personnes. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique et qu'il entre aussi un pauvre, misérable vêtu. Kwa mfano, kama mtu anaingia mkanisa, ashakuvala kikomo kia adhabu, kanjo mzuri, na mwingine anaingia ashakuvala mbaya. Si tu tournes vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique et vous lui dites toi assis toi ici, à cette place d'honneur. Et si vous dites aux pauvres, toi, tiens-toi là, debout, ou bien assis, toi, au-dessous de mon marchepied. Comme on a dit, à chaque fois, la mouzoura, c'est ma oué, quoi, kala, paï, kichi. Nao, mouingine, ma chikou, ambes, ma chimama, pale, wala, ikala, pachini. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous, pas sous l'inspiration des pensées mauvaises. Eti, aina kitu kibaya munafanya na mhukumu kufuatana na mawazo mbaya. Mtu anavua lankochi mzuri. Kekia kiabie, belle veste. Moi je ne dis pas que kuvola mzuri kitu kibaya. Mi je sema sabie correctement ou pas. Kama kubantu banaweza kuvola mzuri chinishi. Nous avons des écritures à la place. La Bible dit que si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. Mina voilà tout bien. Je m'habille correctement. C'est bien. Ni mzuri. Ma sœur Mungu akubariki. Dadangu que Dieu te bénisse. Mais ku voilà kwetu, haiwezi kuya sawa kitu kimoya hivi. Ça doit pas être quelque chose. Pour que tu sois remarquable. Non frère. Non. Chez toi on a voilà, ni tu ya kufutika mwili. Pour cacher la nudité. Ata mina voilà ngombo. Même si je m'habille en friperie. Mungu amibariki sana. Que Dieu bénisse. Niko nasifu Mungu sana. Je glorifie vivement Dieu. C'est l'église de riches. Mais moi je m'habille pondololo. Il y a des habits à l'envers, les habits. Kama mina ivoala pour le monde beko naona sema. Mina voala nguo ya bei. Je m'habille vraiment très chic. C'est quoi ça? Ni Romu takatifu ndani ya mtoto wa Mungu. Dans l'enfant de Dieu. Eko na meremeta. Sa mwenye kuvola nguo mune ya mzuri. Comme si il est habillé précieusement. Sika ni mujo sela vipi? Ni kweli. Na umu kambobe wanasemaka. Et même kambobe ile kanisa ya matajiri. Cette église là c'est l'église des riches. Nous sommes des riches, oui. C'est tout matajiri. C'est à cause de la parole. Dieu a sauti ya Mungu. C'est ce que Dieu nous a fait grâce. Que le Mungu neema Mungu atupashia. Oui, c'est que Dieu nous a fait Dieu. Il ne m'aime pas quoi. On a toujours dit que c'est l'église des riches. Mais on a fika kwangu. Mais quand tu arrives chez moi, peut-être il y a même pas d'eau. Mais kama mimi naangalia. Mais quand je regarde la richesse que je possède, la parole de Dieu, cela dépasse même les lois. Cela dépasse même le président. Puisque c'est éternel. Pour eux, c'est pour un temps seulement. Oui, nous sommes des riches. Oui, nous sommes des riches. C'est la vérité. Mtoto wa Mungu abia kweli hawezi kukonda tu hivi. Ne peut pas maigrir. Ya ta na kuria chibu wa bwana sholo. Eko na mereta. Ça aujourd'hui, il brise les mots de la Bible. Ah musome hadithi ya Biblia. C'est la vérité. Ndio kweli. Daniel. Daniel. Shadrach, Meshach, Abednego. Premier roi, Daniel chapitre 1. Wa Daniel soit qui a quoi? Mufalme. Le roi anapenda sana. Il avait Daniel. Aimé beaucoup Daniel. Il l'a établi comme un intendant. Ah, il lui a placé comme un intendant. Il était responsable. Et il dit bon, à ses serviteurs que la même nourriture que moi je mange, vous allez donner aussi à ses enfants ici. Daniel a dit non. Et Shadrach, Meshach, Abednego, ils sont frères, mis à côté. Que Dieu nous aide. C'est pourquoi. Neno ya Mungu ni ya mafu. La parole de Dieu elle est unaweza kuya na kiloko. Tu peux avoir peu de mais utaonekana soko na pia mingi. À cause de la paix de Dieu en toi. Tu as beaucoup de choses. Tu as ninja mwito wa Mungu ndani yako. Salama ya neno ya Mungu ndani mwako. La paix de la parole de Dieu en toi. Utaonekana soko na hali yo frère. Paraîtra comme si tu en as beaucoup. Pengine mon nyumba muko 10 000 francs. Mais il y a qu'on a 100 000. Mais lui, il a 100 000 francs chez lui. Même 100 000 dollars. Mais, voire même 100 000 dollars. Sa ville est salama qui a il n'a pas la paix en ce lui. Ce n'est pas l'argent qui amène la paix. La paix, c'est Jésus-Christ qui donne. Il voit dans Jésus-Christ, tu vois, il est taka. Que Dieu bénisse. C'est vrai, nous devons avoir la fierté de ça. Nous ne sommes pas des délaissés. Je n'arrive pas à comprendre. Nous avons accompagné Mishimi. Accompagné les qui? C'est eux qui nous ont accompagnés. Salama, la paix, c'est la plus grande chose. Que Dieu nous aide. Dans la maison, ma soeur, laissez-moi vous dire. Vous pouvez remplir vos congélateurs. Il y a de bœufs. ma bifu nini, ya, ma je poulet ne sais pas, du poulet et tout, tout consomme. Si dans votre maison il n'y a pas la paix, ma soeur, tu ne vas même pas avoir le temps d'allumer le feu. C'est la vérité. Tu n'auras même le temps de t'habiller correctement. Tu vas t'habiller avec le problème. La paix, c'est la meilleure des choses. Et la paix ne vient que de Dieu. Que Dieu bénisse. Nous nous arrêtons par ici. Nous allons continuer prochainement, Dieu voulant. Nous sommes qu'au début de la prédication. Nous allons continuer. Et Dieu va nous aider.